J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, donc nouvel horaire le lundi, avec une équipe encore plus complète qu'avant, enfin, puisque je suis toujours avec Faye, salut Faye. Bonjour tout le monde. Je suis avec Mathieu. Salut à tous. Avec Juni. Yo. Et avec un revenant. Un revenant. C'est Thomas de Le Geek Chic. Exactement. Qui est de retour dans l'émission. Je tiens à dire que j'ai kiffé cette nouvelle intro. Elle est démente, hein. Avec la voix américaine là. Et ben, on pourra remercier Thomas la technique pour ce super générique qui est vraiment génial. Et ben voilà, ça va tout le monde. Bien, oui, bien, va, tranquille. Vous êtes prêts à faire découvrir aux gens du lundi le monde merveilleux du comics? Exactement. On va essayer. Je suis là pour ça. Alors on va changer un peu les choses. Comme on est un peu plus nombreux, Faye va m'aider pour les news qu'on va commencer tout à l'heure. Elle va s'occuper. Elle va être la caution cinéma série, la caution écran, on va dire. Si tu veux. Et après on va enchaîner sur injection et non pas injonction comme j'avais dit dans les précédentes émissions. Et ben on va partir. On commence direct avec les news. Et oui. Un petit retard. Ça convient en direct. Ouais. Et le petit retard est dû parce qu'on a quelqu'un au téléphone en plus pour cette première news. Et c'est Michael Jérôme. Salut Michael Jérôme. Salut James, ça va bien? Ça va. Et toi? Écoute, fraîchement, hein, j'ai envie de dire. Mais comme tout le monde. Et en fait, tu es là pour nous parler d'un Kickstarter, enfin d'un Ulule plutôt, et d'un bouquin que tu es en train de que tu as fait déjà, écrit déjà, tout ça. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait? Bah non, évidemment non. Bon, bah au revoir, à la prochaine. Bonne journée, la bise à Véro. Oui, bien sûr, je vais vous en parler, il n'y a aucun souci. En fait, c'est un projet avec lequel je bosse avec Alain, donc un pote avec qui je suis sur Planète BD depuis des années, et tous les deux en fait on est fans de Jack Kirby, donc qui n'est pas fan de Jack Kirby présenter. Alors qui n'est pas fan de Jack Kirby, bonne question. Très bonne question. Qui est Jack Kirby déjà? Dois-je le présenter ou... Bah vas-y, présente-le vu qu'il y a plein d'amateurs. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Jack Kirby, qui nous écouteraient, on va faire rapide. Vous connaissez Stan Lee? Oui. Non, je vois pas. C'est qui c'est? Non, c'est Monsieur Moustache dans les films Marvel. Ah oui. Non, bon, pour faire court, Jack Kirby, c'est probablement le dessinateur et même l'auteur de comics qui a influencé en fait probablement tous les auteurs et toutes les générations qui ont suivi de manière directe et indirecte. C'est-à-dire que c'est l'un des artistes qui a réussi à rénover le découpage en bande dessinée, c'est-à-dire qu'il a été capable d'imposer ce rythme feuilletonesque en termes de narration visuelle. C'est quelqu'un qui fourmillait d'idées, donc il avait une capacité également de production qui était assez impressionnante, puisqu'il était capable de prendre 80 planches par mois, donc plus que John Romita Junior, par exemple, qui est pourtant un acharné, avec une qualité en fait dans le trait et dans le... On va dire dans le travail en général, voilà, c'était un vrai bourreau. Donc c'est le créateur, entre autres, on va dire, pour essayer de résumer, d'Avengers, Thor, Captain America, évidemment, des X-Men. Et il a imposé le style du comics. C'est le vrai père des comics, en fait. Ouais, surtout au niveau des dessins, quoi. Alors, moi, je suis pas un anti-Stan Lee, donc je vais pas non plus cracher dessus, ce que feront probablement une partie des fans de Jack Kirby. Stan Lee, on va dire, pour réviser, en fait, Stan Lee, c'était un vrai correcteur, en fait, c'est-à-dire qu'il prenait le boulot de Stan Lee, de Jack Kirby, pardon, et qu'il avait tendance, par exemple, à un peu poser une petite touche humoristique, voilà, des petites choses comme ça. Et Stan Lee, autant évidemment, était chez Marvel, Jack Kirby a aussi influencé énormément DC, avec également de nombreuses séries sur lesquelles il a bossé là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui a été partout. Depuis les années 30 jusqu'au début des années 90. Et qui influence encore maintenant le comics. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un crossover Green Lantern et New Gods qui sont les personnages de Kirby. Donc même il n'y a pas si longtemps que ça, oui, il est encore là. Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler de ton ouvrage un peu, et du Ulule pour que les gens aillent participer? Évidemment, évidemment, participer tous, nombreux. En fait, c'est, pour faire simple, il y a 2 ans, on s'est mis en tête avec Alain de préparer un projet autour de Jack Kirby qui viendrait célébrer donc le centenaire de sa naissance, qui aura lieu le 28 août de cette année. Okay. Et on, en fait, un peu par hasard, par le biais d'échanges avec des artistes ou avec des fans, on s'est dit qu'un truc qui pourrait être plutôt sympa, c'était vraiment de donner la maison, en fait, les clés aux fans, afin qu'ils puissent permettre d'offrir ce que représentait Jack Kirby pour eux. Donc, c'est-à-dire, un dessinateur pouvait parfaitement se mettre en tête d'offrir une confrontation inédite entre La Chose et Big Barda, par exemple, deux éditeurs différents sur lesquels ça n'aurait pas matché en temps normal, de faire un portrait de Jack Kirby au milieu de ses personnages, on va dire, offrir pour les dessinateurs une vision totalement... soit très très proche du style de Kirby, soit impacté par leur vision personnelle. C'est également aussi pour des scénaristes ou pour des écrivains l'occasion de raconter ce qu'est Jack Kirby pour eux, parce que on a tendance un peu à croire que Jack Kirby n'a influencé que les dessinateurs, ce qui n'est pas le cas. Et on a notamment des auteurs qui vont nous dire en fait l'amour qu'ils ont pour le travail de Jack Kirby, ses créations, ce qui voilà. On a un romancier. On a peut-être 2 d'ailleurs, je sais plus aujourd'hui. Il y a des grands noms quand même sur ce. Enfin, j'ai vu la liste sur le site web et vous avez. Il y a pas que. Il y a des auteurs en fait qui viennent d'un peu partout. C'était notre volonté un petit peu de savoir si ça pouvait plaire, etc. Alors évidemment, on va retrouver beaucoup d'auteurs franco-belges parce que concrètement, eux ont grandi avec des revues. Qu'aujourd'hui les gens peuvent redécouvrir comme Strange, toutes celles du catalogue des éditions Lune, tout simplement. Ouais. Et c'est eux ont grandi avec. Et c'est vrai qu'indirectement, par exemple, on va retrouver un Marini. Marini, si ça vous parle pas, c'est un des gros vendeurs de la BD franco-belge avec par exemple le Scorpion. Mmh. Ou avec, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, Marini, les Aigles de Rome, le Rapace, Gypsy, c'est vraiment un type très talentueux. Et qui du coup, lui. Est un grand fan de comics et de Captain America notamment. On a des artistes évidemment aussi britanniques, espagnols, américains, canadiens. Je suis très fier par exemple d'avoir réussi à avoir un petit créneau dans l'emploi du temps de Jeff Lemire. Oh, donc bien. Il avait travaillé sur Hawkeye, non? Oui, notamment. Ouais. Sur X-Men. Sur Green Arrow également. Un très bon beaucoup dessinateur. De titres en indé, sur X-Men aussi récemment. Et non, c'est quelqu'un qui dessine aussi. Il dessine aussi. Ouais, c'est Sweet Toss, c'est lui qui dessine. Ah ouais, il est scénariste, il dessine, mais c'est un style particulier. Ouais, particulier comme style de dessin. On est dans un style indépendant du coup avec Jeff Lemire, mais c'est un autre débat. donc non, en fait, on a pas mal de petites choses comme ça. On a aussi, par exemple, Stefano Godiano, qui aujourd'hui est le co-dessinateur et encreur de Walking Dead avec Charlie Adler. Mmh. Et qui lui va du coup travailler sur un comics en fait en plusieurs pages totalement inédites sur Jack Kirby. Donc ça, on devrait bientôt pouvoir montrer des petites choses, on va dire. On a vraiment avoir des pages de comics inédites. Donc ça c'est plutôt sympa. On va aussi avoir du Jack Kirby dedans. Ça je peux le dire parce que maintenant c'est acté. Du Jack Kirby pas très connu. Okay. Parce que Jack Kirby, bon, je peux vous dire d'où ça vient, allez, je vous fais plaisir. Allez, une exil. En fait, est-ce que vous connaissez le film Argo de Ben Affleck? Oui. Oui. Non, en fait, je ne l'ai pas vu, mais je vois. Je te le conseille. Très bon film. Voilà, bon, tu as des bons conseils, je t'invite à les écouter. En fait, dans Argo, tu as, on va retrouver en fait un moment où... il est fait allusion à certains artistes, dont notamment en réalité est Jack Kirby. Et notamment Jack Kirby aurait dessiné une sorte de je sais plus si c'est une pièce pour enfin des artworks pour une sorte de parc d'attraction un peu futuriste, etc. Mmh. Et en fait, ces dessins-là, Jack Kirby les a vraiment faits. Ils appartiennent à un propriétaire américain qui les a tous. Et celui-ci, de temps en temps, on a montré quelques petits visuels. En fait, on peut les piocher un petit peu sur Internet en basse résolution. Et on est devenu assez amis avec lui, on peut le dire. Et lui nous fait entièrement confiance et nous accorde un article entier qui a été publié par la revue Heavy Metal aux États-Unis. Donc c'est la revue de Grant Morrison, entre autres. Ah, donc bien. Ça, c'est plutôt cool. Et également, donc, quelques originaux de cette conception-là qui figureront donc dans le bouquin. Et puis on a peut-être d'autres surprises, mais bon, ça, on... En tout cas, c'est très alléchant. Est-ce que tu, pour conclure, reviens un peu sur les contreparties au niveau du Kickstarter Ulule. Oui, Ulule, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est plus souple Ulule que Kickstarter. Honnêtement, okay. On a étudié depuis des mois. Alors, si, il y a une chose que je voulais dire avant de parler des contreparties, c'est que nous, notre projet, on l'a imaginé dès le départ comme quelque chose de totalement désintéressé de notre part. Que ce soit moi et Alain, on gagne que dalle dessus. On n'est pas là pour se faire de l'argent, on s'en fout, on veut vraiment se faire plaisir et faire plaisir aux gens, et en tout cas aller jusqu'au bout du trip, puisque dès le départ en fait on a comme qui dirait contacté la famille de Jack Kirby pour expliquer ce qu'on voulait faire, savoir si ça rentrait dans un cadre qui leur convenait surtout. Eux ont été d'accord, on leur a simplement dit que nous tous les bénéfices seraient réversés à une association. Cette association là s'appelle Hero Initiative, c'est une association qui a pignon sur rue aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'est pour info. Et donc c'est cool. Pour expliquer maintenant les contreparties. En fait on en a plusieurs. C'est vrai qu'effectivement on commence avec juste le livre simple. Alors le livre en soi, c'est pas un livre format comics comme on va en acheter chez Urban ou chez Panini. On est sur un gros format type artbook. Donc plutôt les pour schématiser un peu ce que... quoi. Ouais, ça fait 25 par 31 cm, on tape sur ce format-là. Donc c'est un format que c'est du hardbook pur quoi, 300 pages, couverture cartonnée, papier épais. C'est toujours mis en carton. Voilà. Le bel objet quoi. Voilà, le bel objet. Voilà. De collection. Le but c'est que entre guillemets on soit fier de l'avoir chez soi. Voilà, c'est vraiment le but. Et donc la première contrepartie, bon, vous voulez que je donne les sommes, que je décrive tout. Bah c'est comme tu veux, oui. Je peux faire mon vendeur. Hein, vas-y, fais ton vendeur. Combien? Donne envie aux gens de participer. Alors cette couverture délicatement reliée est faite en ébène. clairement on a un peu d'ébène. Et donc la première contrepartie est à 40 €, c'est-à-dire qu'on propose juste le bouquin tout seul, avec des frais de port par contre qu'il faut rajouter, puisque comme je le disais en fait, on a essayé d'optimiser tous les coûts de manière à pouvoir permettre à l'objet d'exister. Okay. Ensuite, c'est vrai qu'on va rajouter, avoir des paliers, en fait, on a essayé de monter graduellement pour que les gens puissent mettre selon leurs moyens. Donc on a du 45 €, du 50 €. La bonne affaire sur tous les paliers, celle où en tout cas on a essayé de travailler au mieux, c'est celle à 60 €. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ouvrage, un portfolio de 10 illustrations. Il y a le badge, il y a un marque-page et les frais de port sont intégrés. Okay. On a la présence de son nom dans le bouquin, donc ça c'est, plutôt, ça, c'est cool. Plutôt le petit bonus qui entre guillemets fait plaisir. Quand on fait le compte, en fait on y gagne assez rapidement sur celui-ci. Okay. On a ensuite d'autres paliers. On a un peu le palier qui plaît beaucoup aux États-Unis, c'est quelque chose que les Américains aiment bien, qui s'appelle le palier mécène en fait. C'est un palier qui est beaucoup plus cher. On ne fait pas partie de la liste des contributeurs, mais on est à droit en fait quasiment à une page. Entière du bouquin, donc ça c'est plus cher, c'est à 250 €. Bon, s'il y a des gens qui veulent nous aider entre guillemets à participer à la réussite du projet, voilà. Les vrais mécènes du coup. Et, exactement, chacun fait à la hauteur de sa bourse, nous, il n'y a pas de jugement, on fait ce qu'on peut. Ok. Mais en tout cas, c'est très alléchant et ça donne envie de participer. C'est un très beau projet. Et bah, merci beaucoup à toi d'être venu en parler. Et vous retrouverez le lien sur notre Facebook. On va le mettre dans l'article sur le site quand le podcast sera sorti. Et voilà. Donc, et retrouver tout ça sur internet. Et merci beaucoup à toi, Michael. Très bonne merci présentation en plus. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Et ben, on enchaîne les news avec la première news de Faye. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps avec c'est celle-là. C'est pas grave, ça je vais aller très vite, t'inquiète. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle série télé, une nouvelle adaptation de Witchblade. Rappelez-vous, dans les années 2001 à 2002, il y avait déjà eu une première adaptation de la série par la chaîne TNT, qui, je dois vous le dire pour l'avoir vue, n'était pas terrible en point, au niveau de l'écriture, au niveau des effets, il y avait tout qui n'allait pas. Et bref, NBC, en partenariat avec Sony, donc, va refaire une nouvelle série. Donc pour rappel, la série donc racontera les aventures de la détective, alors attention si je pense bien, Sarah Pezzini, c'est ouais, ça c'est je pense pas le nom, à la poursuite en fait en gros d'un tueur en série dans Francisco, excusez-moi, et un jour elle va découvrir que le bracelet qu'elle porte autour de son poignet depuis plein d'années a des pouvoirs magiques surnaturels et qu'il s'agit en fait d'une amulette très ancienne, la Witchblade. Donc la série va être développée par la scénariste et productrice Caroline Dry. Alors là où ça fait peur, c'est qu'elle a bossé sur Smallville et sur Melrose Place. Okay. Et qu'en ce moment, lourd, du gros lourd. Là. Attention, okay. En ce moment, son meilleur travail, c'est sur la série Vampire Diaries. Donc, bon, okay. Tu peux arrêter la news. Ouais. Tu peux arrêter la news de maintenant. Ouais. Donc je pense que ça va finir finalement. Comme la première adaptation. Ok, bon, je vais passer à une autre news. T'as tout foiré le truc à la fin, quoi. Smallville, c'était fini. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, tu vois. Moi, je vais vous parler d'Injustice 2, donc le jeu de NeverRealm qui va sortir bientôt en mai. Et comme le premier du nom, il va avoir un comics associé. Donc un comics, le premier qui avait très très très publicité par la critique. Moi, j'ai pas eu la chance de le lire. Je l'ai pas lu non plus. Mais il avait l'air vachement bien. Il y a plein de gens qui en ont dit. J'avais lu les premiers, j'étais surpris. En fait, c'était pas mal. Quoi. Ouais, ça renverse les codes un peu des héros qu'on connaît, genre Superman, il tue. Oui, c'est un what if. C'était assez sérieux. Sympa. Pour partir. Alors, je crois que je suis allé lire le tome 1 chez mon oncle d'Amérique parce que je voulais comparer avec le jeu. Excuse-nous. Et c'est pas mal. Et Tom Taylor, le scénariste, revient. Donc, pour un truc, il y avait eu 7 tomes quand même en France. C'est ce qui est quand même une marque d'un truc. Puis Tom Taylor, c'est le scénariste de Batman à l'heure actuelle aux États-Unis, donc c'est pas. Ouais, c'est mauvais. Pas n'importe qui. Ouais. Donc voilà, d'abord vous l'aurez en sortie hebdomadaire en digital, en VO, en avril, et en bimensuel en papier pour les gens qui lisent la VO qui accompagnera le jeu qui sortira en mai, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout voilà, est-ce que ça vous hype un peu cette suite? Bah, j'aimerais déjà bien lire le premier, et puis après je vais voir. Mais en tout cas, j'ai jamais joué au jeu vidéo non plus. Le jeu est vachement bien. Le jeu est sympa. Il est vraiment sympa. C'est bon, après, le jeu de baston. C'est l'univers, enfin les images un peu à la NeverRealm, donc le Mortal Kombat. Ouais, ça se, donc, ça se contrôle visuels, à la Mortal Kombat. Bon, en tout cas, on sait qu'une adaptation d'un jeu vidéo, souvent c'est nul, et pourtant la critique a été super bonne sur le premier comics. Donc je pense qu'on peut y aller un peu sans hésiter, quoi. Ça a l'air de la bonne cam. Johnny, tu n'as pas parlé depuis le début. Non, pas. Non, je suis encore en train de penser au bouquin sur Jack Kirby. Oui, alors j'ai joué au premier de Injustice. J'ai pas lu la BD, j'ai vu passer des morceaux, ça m'a pas intéressé plus que ça en fait. Okay. Mais après, je suis plus intéressé par le jeu que par l'adaptation BD du prochain. D'accord. J'avoue que j'attends plus le jeu aussi. Ouais, moi aussi, j'ai envie de précommander la version. Les trailers, ils défoncent tout. Les trailers, hein. C'est sympa. Mathieu, t'as un petit nom? Alors moi, le jeu, j'avais joué un petit peu, oui, c'est pas trop ma tasse de thé, même si c'était vraiment sympa. Encore une fois, le peu que j'ai vu du comic, c'est qu'ils arrivaient à développer un univers qui était assez surprenant. C'est pas très très bon, mais pour un produit dérivé de jeu vidéo. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une espèce de what if où Superman est devenu fou et s'en est pris au Joker. Je crois qu'il a tué le Joker. Ouais. Parce que le Joker a tué Lois Lane et son. C'est inverse son en fait, au lieu de s'en prendre à Batman, il s'en prend à Superman. Ouais. Ouais. Mais ça fait penser un peu à BVS. On va pas lancer ce dire. Bon, en tout cas, moi ça me hype un peu et on va passer à la deuxième news de Faye. Oui. Alors, c'est une news qui regroupe plusieurs. Vous savez que dans la vie, j'ai une passion, c'est les rumeurs et les théories. Donc voilà, théorie du complot, etc. Les Illuminati. Et donc, voilà, tout à fait, d'ailleurs, ils sont parmi nous. Et en fait, là, cette semaine, à Hollywood, il y a pas mal de bruit qui court. Alors, on commence rapidement avec Hollywood Reporter, qui nous indique que The Rock, en fait, qui doit jouer Black Adam dans Shazam, donc le méchant, va avoir droit à son propre film. Ah oui, ça m'a énervé. Ça peut être un peu étonnant. Ça peut être cool, moi, j'adore Black Adam. Bah, non, mon problème, c'est que c'est le genre de news où. C'est pas vraiment, ça sonne pas comme un film qu'ils font parce qu'ils disent on a une bonne histoire à raconter sur Black Adam. Ça sonne comme un film qu'ils font parce qu'ils ont The Rock et que The Rock il gagne des sous. Enfin, il fait venir le public. Donc l'histoire sonne pas. Ouais, mais si le truc derrière. Ah, peut être en cool. même temps, qu'est-ce que tu veux faire sur un méchant alors. Quoi enfin, ah bah, le... Non, le méchant de Black Adam, Black Adam est vachement cool. Non, il y a du potentiel. Il y a tout à fait moyen de faire une très bonne histoire sur le personnage. Je dis juste que là, comme ça, présenté tel que c'est, ça sonne plus comme on a The Rock, on veut se servir de lui au maximum plutôt que on a un personnage intéressant et on a une bonne histoire. Mais je vais te dire, vu ce que j'ai lu un peu partout sur Internet, c'est plus ta façon à toi dont le film est en train de se monter, en fait. Soyons un peu plus optimistes. Voilà. Vas-y, continue. Alors, autre rumeur, là, je pense que ça peut nous faire peur, c'est monsieur Jared Leto, qui s'est amusé à mettre des petites images sur son Snapchat. Ah oui, sur Snapchat, j'ai vu. On voit une dent de Joker et une photo de Killing Joke. Alors, Internet s'est embrasé. Plusieurs théories. Mais il a craché sur Warner tant qu'il pouvait. Moi, je pensais qu'il se ferait virer. Mais attention, il y a plusieurs théories qui circulent. Warner, ils ont pas de race, ils s'en foutent. Alors, les gens commencent à s'affoler. Va-t-il être dans Gotham Sirène? Va-t-il être dans le Batman de Ben Affleck? Ou alors, attention, va-t-il être dans Killing Joke, une possible adaptation? Oh non, s'il vous plaît. Non, non, James, c'est censé apprécier. si tu la caution Warner, tu dis que c'est génial. Ouais, allez. Mais non, mais j'aime pas Jared Leto. Donc moi, tu dis que c'est génial. Ma préférée, Jared Leto, il est excellent comme acteur. Comme acteur, mais pas comme Joker. Ouais, enfin, en fait, on a, pour on moi, va on n'a pas. Dans ce débat. On n'a pas assez vu du Joker pour en juger. Regarde la version longue de Suicide Squad, tu diras plus. Oh non. Ah, il et est dedans, ok. Juste la dernière, ma préférée, c'est que je pense que c'est un gros troll de l'acteur. Juste... Oui, bah, sûrement. Oui. Enfin, moi, c'est c'était, mon c'était la dernière. Non, la dernière, vite fait. Green Lantern, cette semaine, donc, il y a eu plusieurs sources qui sont plus ou moins fiables, qui ont fait circuler, en fait, une liste concernant les acteurs en liste pour interpréter le rôle de Green Lantern, sachant que le film est en écriture par David S. Goyer et Justin Rod. Oui, voilà. Ça fait un peu peur. Alors, on n'a pas de réalisateur pour l'instant, et sur la liste, on a Tom Cruise, Joel McNeil, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Armie Hammer, Jackie Lennon et James Marsden. Armie Hammer, moi j'aime bien Armie Hammer. Il y a un troll au milieu de la liste. Ouais, pourquoi Ryan Reynolds veut revenir ? Mais ça, c'est. Alors, attention, surtout que c'est la Warner. Et la Warner, dans sa liste des préférés, les trois qui sont ses préférés sont Ryan Reynolds, Armie Hammer et James Marsden. Mais en fait, Armie Hammer a réagi en disant qu'il n'était pas au courant. Ouais, que lui n'était pas au courant. Mais en fait, Junie a totalement raison, c'est-à-dire que Warner, il lance n'importe quoi sur la toile, il voit ce que ça retombe à peu près, ils font des films. C'est génial. C'est génial. Ça montre encore une fois que Warner n'ont pas du tout de plan pour leur univers et ça explique pourquoi c'est quasiment. À toi, James, défends la Warner maintenant. Je pense. Allez, on va passer à une autre news. T'es dans le déni, James. On va parler du festival d'Angoulême. C'est ce week-end, donc je vais en parler un peu. On va parler du programme, alors je vais vite passer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais passer vite sur les gens qui y seront en dédicace. Donc vous aurez Bruno Bessadi pour Badass, Andraine Bresson. Badass c'est génial. Andraine Bresson, Rodolphe, Alexis Santac, Victor Santos. Après, ça c'est pour chez Delcourt. Chez Panini, il y a du gros nom, attention, Chris Claremont. Ah oui. Donc, un des mecs qui a révolutionné les X-Men. Alors avec Jack Kirby, oui, ils sont dans les. Ça fait partie des papas. Ouais. David Arra. Ça va. Nice. Manu Darsar. Bon, Manu Darsar, qui est le mec le plus gentil de, tout, de toute pas. L'industrie. Il était sur quoi? Dessinateur de Superman. Il était sur Supergirl. En ce moment, il est chez Marvel. Il est sur. Il est fait du X-Men à un moment donné. C'est ouais. Bien. Il est sur quoi actuellement? De quoi? Il est sur quoi actuellement? Je sais plus, je pourrais pas te dire. Pour la suite. Il est sur Marvel et je dis pas de Marvel donc. Marion Balak. Excuse-nous. Barbara Di Giorgio, J.L. Mast et Paul Renault. Donc J.L. Mast est un. Paul Renault c'est un. Paul Renault c'est un bon gars, c'est un très bon. Et J.L. Mast qui était sur le forum Buzz Comics à un moment donné que j'avais connu un peu là-bas qui est super sympa. Ok. Bah, Paul et chez Renault, Urban. C'est... On va rester dans les trucs parce que c'est Declan Chavez et Jordi Belair, donc ceux qui font le comics dont on va vous parler aujourd'hui. Et je vais passer vite fait sur les conférences, donc j'ai sélectionné parce qu'il y a plein de conférences et plein de conférences sur le comics, donc ça c'est assez cool. Et j'ai sélectionné celle qui me paraissait le mieux. Donc il y a la Frame Touch de Marvel avec J.L. Mast, Jean-Yves Mitton, Jean-David Morvan, Paul Renault et animé par Xavier Fournier, donc c'est assez cool. La conférence de Chris Claremont. Comment on loupe ça? Dieu, tout court. Une conférence qui pourrait être assez sympa, c'est le maître des comics, John Romita Senior. Senior. Celui qui a créé animé Mary Jane. Par Xavier Fournier. En attendant Gado, Wonder Woman animé par Kachou du site The Lesbian Geek. Et H.P. Lovecraft du Pulps à la BD avec Alex Nikolavitch. Donc c'est que des trucs qui étaient le samedi. Les autres me hypaient un peu moins. Et du coup, cette année, c'est quoi le scandale? Il n'y en a pas. Ah bon. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ils se sont arrangés. Et on va finir avec les deux dernières news. Écoute, je pense plutôt que je vais finir sur Logan, autant qu'on en discute un peu. Je vais faire mes sorties, on fera les Logan en dernier, okay. Si ça te va. Okay, ouais. J'ai sélectionné trois sorties. Je vais revenir vite fait. Il y a Planétary tome 2 qui sort et Le quatrième monde de Jack Kirby, tome 3. Donc voilà, c'est pour les gens qui suivaient ça. Vous savez que ça sort cette semaine. Il y a aussi Hellspawn, l'intégrale qui sort chez Delcourt. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, Hellspawn, c'est une espèce de redéfinition du mythe de Spawn par Bendis, Steven Knight et Bell Temple Smith et Ashley Wood. Donc c'est l'intégrale qui sort chez Delcourt pour 34,95€. Est-ce que tu as lu c'était plus le genre de mec à avoir lu ça? Oui, j'ai lu Hellspawn. Oui, alors c'était Ashley Wood qui dessinait. Visuellement, faut quand même jeter un œil avant d'acheter. C'est spécial. Ouais, c'est assez fouillis, c'est structuré. C'est Apple Smith qui dessine, il me semblait qu'il y avait Shwood. Il y a les deux. Il y a les deux. Ouais, j'ai peut-être dû lire que ce qu'avait fait Ashley Wood, mais c'est plus un truc d'ambiance qu'un truc de Spawn. Okay. Mais ouais, c'était sympa. Tu Et, ben, du coup, je vais me le faire hein, parce que j'ai pas lu la suite. Alors, du coup, okay. S'il y a une intégrale, c'est parfait.

et c'était Tribute de Tenacious D, choisi par Faye puisque c'est son anniversaire demain, donc c'est elle qui va choisir toutes les chansons de cette émission. Ouais, vous allez souffrir. Et vous êtes toujours sur le 102.2 sur Radio Campus Montpellier, et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics. Ah, c'est des bien. Lapins. Non, pas des lapins. Oh. Et aujourd'hui, on va vous parler de injection. Et comme contrairement à ce que j'ai dit dans des présentations, injonction, ce n'est pas injonction. Alors, c'est pas sur comment il s'appelle, Phoenix Wright. Non, ce n'est pas sur Phoenix Wright. Merde, je fais tous les jeux le week-end. Mais ouais, moi aussi. Ah bah, je suis désolé. Et donc, je sais plus comment on avait dit qu'on scénario. Sait. Scénario. Ou scénario et dessin. Donc, ah, c'est moi. D'accord. Tu vas commencer, Mathieu. Ah oui, d'accord. Pardon. À nous parler du scénario et de Warren Ellis. Oui, voilà. Warren Ellis, on en a déjà parlé un petit peu dans l'émission. Un petit peu. Très longtemps. Oui, sur Planetary. Déjà, oui. Puis je crois qu'à chaque fois, chaque émission, on parle un peu de Warren Ellis. Donc c'était un Britannique, c'était un vétéran des comics. Et petite différence peut-être qu'il peut avoir avec les autres grands scénaristes britanniques comme Neil Gaiman ou Alan Moore. Lui, il a fait pas mal de super-héros de mainstream et pas mal de trucs un petit peu plus indépendants. Il a bossé sur les X-Men notamment. Et après, donc effectivement, on en a parlé, Planetary, Stormwatch, The Authority, qui sont des pas forcément des titres très connus en France, mais bien dark, Transmétropolitane aussi, exact. Culte, chez Vertigo. Et donc, en 2014, il reprend Moon Knight chez Marvel, qui est l'espèce de Batman chez Marvel, sauf qu'il est complètement schizophrène. Et il bosse donc avec Declan Shelvey et Jordi Belair. Et l'alchimie marche pas mal, d'ailleurs la série est plutôt cool. Et très vite ils parlent de projets ensemble, et donc c'est un comics de groupe en fait qu'ils ont fait, chacun a fait un peu lancer ses idées, et puis Warren Ellis a bidouillé tout ça, et ils nous sortent Injection en 2015, chez Image Comics, qui est donc le troisième éditeur de bande dessinée aux États-Unis après Marvel et DC, connu notamment pour ses contrats assez avantageux quand on est un créateur, de pouvoir maîtriser un petit peu ses créations justement. Et ça sort chez Urban le 20 janvier 2017. Le plot en quelques mots, donc c'est un groupe de personnes aux compétences extraordinaires en science, en espionnage, en folklore, en informatique et même en raisonnement logique qui se regroupent dans un groupe de réflexion mené par le gouvernement anglais et par des boîtes privées pour tenter d'appréhender un petit peu le futur, ce que va devenir la société humaine et même l'homme d'une manière générale. Et leur conclusion fait qu'ils décident de lancer une espèce d'entité à moitié scientifique, à moitié magique, à moitié plein de trucs dans la nature. Et bien évidemment, ça va leur péter à la gueule. C'est un comics qui est assez difficile à lire. La narration est volontairement pas du tout linéaire. Ça rappelle peut-être un petit peu Planetary, justement, dans ce sens-là. Ellis, il nous perd assez vite au début, encore une fois volontairement, avec pas mal de personnages, pas mal d'événements, pas mal de concepts qui sont présentés complètement dans le désordre. Il y a du flashback, il y a des personnages qu'on découvre, qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire avant même de savoir leur nom, par exemple. Tout ça est fait de manière un peu puzzle, et autour de ce fameux groupe de réflexion qu'il y a eu. Donc c'est volontairement cryptique, c'est pour que le lecteur se perde et recolle les morceaux petit à petit. C'est une tactique qui est assez courante parfois dans les comics, qui peut être dangereuse parce que tu as vite fait de perdre le lecteur complètement. Et moi, c'est ce qui moi, il m'a complètement perdu. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dans le comics. C'est borderline, je reconnais. J'ai pas réussi à... J'ai même pas réussi à le finir en fait, puis je comprenais rien en fait. Je l'ai lu en... Mais il faut s'accrocher quoi. Je l'ai lu en numérique, c'est peut-être ça qui m'a... Ne pas l'avoir en papier, bah, j'ai un peu moins... Lui, ce qu'il voulait faire depuis le début, c'était un graphic novel surtout, donc c'est-à-dire en relié tout simplement, parce que là, c'est pour le coup le format US single tous les mois. C'est risqué parce que le premier tome qu'aux US ils ont, c'est le début de l'histoire, nous c'est notre premier chapitre, et donc pour eux, s'ils ont ça en premier, c'est risqué parce qu'ils sont perdu, et quand t'es perdu dès le départ, tu te dis pas, je vais lire la suite, surtout qu'aux États-Unis, c'est plus les comics, c'est carrément de la consommation. Donc, oui, là, le format était si pas t'es adapté, perdu, hein. Tu passes à autre chose. Mais c'est une histoire qui demande de l'investissement, mais ça vaut le coup vraiment de se plonger. Bah, après, c'est Warren Ellis, donc je pense que les gens, quoi qu'il arrive, dès qu'ils voient que c'est Warren Ellis, ils vont acheter aux États-Unis. Mais par contre, tu vois, je pense que si des personnes qui nous écoutent ne lisent pas trop de comics ou ne sont pas habituées, des fois dans des séries télé, on a des choses comme ça, il faut s'habituer aussi. Je le conseillerais pas pour commencer, mais quand on a lu déjà pas mal de comics, qu'on commence un peu à rentrer bien dans le truc, ouais, moi je vous conseille de le lire quand même parce que l'histoire elle est super sympa. Parce que comme tu disais, il faut faire un petit effort. Il y a quand même pas mal de matière entre cette fameuse entité qui lâche toute l'histoire des personnages, parce que donc ce groupe de travail un peu mystérieux, on met quasiment les trois quarts du tome à savoir qui est qui et qui fait quoi. C'est le flashback. Donc après tout se passe dans le présent et on voit les parcours des différents personnages. Ça parle de cadavres possédés par de l'informatique, ou ça parle de dimensions avec des créatures du folklore, ça parle même d'espionnage. Il y a pas mal de un pot pourri un petit peu de. C'est un mélange de plein de genres un peu. Bah, de pop culture assez britannique. Il y a un peu du Camp du James Bond, il y a peut-être un peu du Doctor Who parfois, je trouve. Ouais. C'est Fringe, mais version britannique en fait. Ouais, c'est ça, aussi, c'est Fringe. J'ai pensé à ça, ouais. Et il y a du Candermas aussi, qui est une très vieille série NBC où tu avais un scientifique génial qui se battait contre des invasions aliens. Enfin, tu as tout ce truc-là. Il y a un gros. Paradoxe, enfin pas paradoxe, mais c'est vraiment le point clé de la série, c'est vraiment la limite qu'il peut y avoir entre le scientifique et le folklore, le surnaturel et tout ça. C'est bizarre. Voilà, on a tous ces personnages qui sont un peu... C'est pas ça que t'as dans la série Poltergeist. Je sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait une série télé Poltergeist où en fait c'était le but, c'était les gens qui se réunissaient dans un manoir, donc t'avais des scientifiques, des gens qui étaient plus dans le surnaturel, des enquêteurs, et donc à chaque fois ils devaient enquêter sur des affaires. Bon, t'as des épisodes nuls et d'autres un peu mieux, mais... Ouais, c'est peut-être c'est quand même plus puissant, je pense, Injection, parce qu'il y a vraiment un gros fil rouge derrière avec cette espèce d'entité qu'on voit un peu en filigrane. Et encore une fois, qui sont ces personnages? Parce qu'en fait, même on s'aperçoit à la fin du volume que les trois quarts, on n'est pas sûr de ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et de quoi ils sont capables. Mais effectivement, c'est une lecture difficile. Alors moi, j'ai un petit logiciel à la maison qui me permet de gérer mes BD, qui m'empêche de les acheter en double, ce qui ne marche pas forcément. Mais j'ai une petite case remarque. Et lorsque j'avais lu le premier, je m'étais fait un petit résumé. Et lorsque j'ai lu le deuxième volume, ben, j'avais bien fait. Tu peux enchaîner, mais si jamais tu penses que tu veux vraiment embrasser toute l'œuvre et tout ce qu'a voulu faire Warren Ellis, soit tu attends qu'il sorte tout et tu tapes tout en week-end, soit on va peut-être faire un petit résumé dans un jour. Je conseille ça aussi. Et comme tu as la parole, Johnny, est-ce que tu veux parler du dessin un peu? Alors, comment dire, il faut commencer par Marvel, je dirais. Parce que leur équipe, justement, comme tu avais dit tout à l'heure, Mathieu, ils ont bossé tous ensemble sur Moon Knight. Et alors, donc, au dessin, on a Declan Shalvey, qui est un dessinateur qui a bossé sur donc, Moon Knight, sur Agent Venom. Et il a touché un peu à Hawkeye à un moment, je crois. Il faudra que je revérifie. Et à la couleur, on a Jordi Belair, qui est fabuleuse et qui est géniale et que j'adore. Et qui a. Je l'avais découvert sur Sif, donc Marvel encore, et qui a bossé aussi sur Hawkeye et sur They're Not Like Us. C'est une série qui a été publiée chez Image, si je me trompe pas, aux États-Unis. Oui. Dont on vous parlera dans 15 jours. Spoiler. Voilà. Alors, en gros, pour la petite histoire, les deux personnages, on va dire, Declan Shalvey et Jordi Belair, sont en couple. Depuis plusieurs années déjà. Ce qui, du coup, explique pas mal des choses que je vais expliquer ensuite, c'est-à-dire que ils ont une espèce de cohésion qui marche aussi bien dans Moon Knight que dans Injection, et elle a un talent pour la couleur aussi bien dans les ambiances que dans les choix de couleurs narratives. Elle va choisir exprès une couleur, elle va se battre au possible avec ses éditeurs pour accepter que cette couleur-là ait un but dans l'histoire. Il y a une énorme réflexion dans tout le livre et dans tout Injection comme dans tout Moon Knight, aussi bien dans les découpages que dans les choix de couleurs. Et donc je vais commencer par Declan. Alors Declan, pour le coup, je dirais que si on veut vraiment découvrir Declan sans avoir à trop se prendre la tête, commencez pas par Injection, commencez par Moon Knight par exemple, ou Agent Venom, parce que là du coup on peut voir son talent pour le découpage. Dans Injection, il a un talent pour les cadrages, pour la mise en scène, pour les cadrages, et même des petits, comment dire, il a une furieuse intelligence en fait. Il sait tenir parti du format papier. Il y a une scène avec un personnage qui discute avec un autre personnage par tablette, et il a trouvé un moyen pour rendre ça dynamique et intelligent rien qu'en utilisant le format papier, le format des cases. C'est un génie, la mise en scène. Voilà, exactement. Et il a un talent aussi pour ce qui est du détail, c'est-à-dire placer par exemple un camion dans le découpage d'une page. Et le camion se retrouve dans chacune des cases, justement pour éviter de perdre le lecteur pendant qu'il se déplace dans le décor. Il y a le personnage de Maria dans Injection qui a une canne, mais en fait elle est pour représenter justement le côté un peu rebelle de ce personnage qui a l'air tout décrépit, qui n'arrive pas à marcher correctement, qui est fatigué en permanence. Sa canne, elle l'utilise quasiment jamais, et c'est un détail qui est jamais mentionné dans les dialogues, mais quand on fait attention un peu au dessin, on le remarque. Et il a plein de petits détails comme ça où il fait attention à comment son personnage se tient, où il est placé, etc. tu le vends vachement bien et, ouais, bien et joué j'ai envie de le relire en fait de comment tu pour voir les petits détails dont, mais je suis assez d'accord au niveau de la couleur. Moi c'est un truc qui m'a marqué, c'est justement la différence entre ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe dans le présent, où c'est super dépressif et voilà. Donc justement j'arrive aux couleurs. Les couleurs sont surtout utilisées pour les ambiances, parce que l'une des choses qu'elle aime bien faire Jordi Belair, c'est se servir des couleurs de manière inattendue. Il y a une séquence dans Sif où donc Sif c'est la meilleure guerrière d'Asgard dans Thor, c'est son ex d'ailleurs. Et il y a une séquence dans un bouquin Sif qu'elle a colorié où Sif se bat contre un monstre et il y a du sang du monstre qui vole un peu partout, mais le sang est bleu. Et personne ne lui avait demandé de faire le sang bleu, c'est juste qu'elle a décidé de faire ça comme ça parce qu'elle a trouvé ça amusant et comment dire surprenant. Et c'est le type de choix qu'elle utilise aussi dans Injection et dans plein d'autres livres. Et donc là, en l'occurrence, on a comment dire, Injection est une histoire relativement déprimante où on a tout un groupe de gens qui ont fait une bêtise plus ou moins grande et ils commencent à réaliser quelques années ou mois plus tard qu'ils n'auraient pas dû faire cette bêtise, qu'ils ont un petit peu joué à Dieu. Et il y a ce changement d'ambiance entre les séquences dans le présent où les personnages commencent à réaliser les bêtises qu'ils ont faites et les séquences dans le passé où ils sont encore très optimistes en se disant on va changer le monde, faire en sorte que le futur soit plus beau, etc., plus intéressant, tout ça. Et dans toutes les séquences dans le présent sont sombres, et aussi bien par les plages d'encre de Chine diluée que Declan utilise, mais aussi dans ses ambiances, parce que c'est très sombre, c'est du vert, elle part dans des ambiances très alien, on va dire, le film alien. Et anxiogène un peu. Voilà, alors que les séquences de flashback où les personnages n'ont pas encore fait la fameuse bêtise, tout est coloré, il n'y a même pas d'encre de Chine diluée sur les murs, les personnages sont tous beaux et Maria marche normalement, elle n'a pas de cernes sous les yeux, toutes les couleurs, ça part dans le violet, le jaune, le orange, des trucs très chaleureux. Et il y a une des séquences que j'aime beaucoup, où il y a le personnage de Robin, qui a un passé très folklorique avec un côté un peu surnaturel, et il y a toute une séquence où il est dans une chambre d'hôtel, et il discute avec Maria au téléphone. Et au fur et à mesure qu'il lui explique les phénomènes surnaturels à propos desquels elle lui pose des questions, il y a toute l'ambiance qui change. Et on passe en haut de la page. Voilà, et c'est la page est un peu avant. Oui, non, mais on est à la radio. Voilà, et oui, non, c'est Mathieu qui me montrait la page. Comme vous pouvez le voir, la page. Voilà, exactement. Non, mais c'est Mathieu qui me l'a montré. Il m'a distrait. Mais tout ça pour dire. Voilà, mais donc on commence. Tu as beaucoup, beaucoup aimé le. Exactement, c'était génial. Et juste le changement de scène entre la première case de la chambre d'hôtel avec une lumière tout à fait normale, de chambre normale, et au fur et à mesure qu'on descend, tout devient sombre, les couleurs vertes commencent à arriver. C'est génial. Ok, donc c'est un comics que tu recommandes. Ah oui, fortement. Donc tu recommandes beaucoup. Exactement, ouais. Mais de effectivement, commencer par Moon Knight quand même. Oui, c'est-à-dire que l'intelligence de Declan Chalvet au niveau du découpage, des cadrages, etc., on la retrouve dans Moon Knight, on la retrouve dans Agent Venom, on la retrouve dans Black Widow aussi. Il a fait un chapitre sur Nick Fury récemment pour Civil War 2. Et donc en fait commencer par ça, des trucs plus soft, trucs de super-héros en fait, où ça va pas très très loin dans le scénario, mais c'est simple et efficace. Thomas, t'as pas... Moi j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, donc je reste intéressé sur le truc. Après au niveau des dessins, je suis complètement d'accord que le découpage et tout est génial, mais c'est juste le style et le caractère design des personnages, j'aime pas trop, enfin les têtes, comment elles sont dessinées ou quoi, c'est vraiment au niveau du style que j'ai du mal, c'est pas au niveau de la mise en scène. C'est le goût en fait, c'est vraiment le côté subjectif de toi. Ouais, c'est carrément. Enfin, pour moi, je trouve ça pas beau en fait, comment ils dessinent les personnages. Après, je suis d'accord qu'il y a dans le dessin, t'as ton style et la mise en scène. C'est vrai que la mise en scène, elle est ouf après, mais voilà. Je reste intéressé, je pense que je vais continuer à le lire parce que tout ce que vous m'avez dit là, ça m'intéresse un peu. Ça reste un truc intéressant, mais comme l'a dit Faé, c'est pas un truc pour commencer, je pense. Et comme tu l'as dit, il faut commencer peut-être par Moon Knight. Ça aide à être mieux et plus accessible. Faye, un petit appui rapide. Oui, moi, je conseille de lire ce livre. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai fait un peu mes théories sur les persos, les petites notes et tout. D'accord. Et c'est vrai que ouais, c'est pas super accessible. T'embête pas, c'est pas ça. et Mathieu, j'allais t'appeler Mathieu, pas pourquoi. Mathieu. Bah, si vous, comme vous voulez. Oui, moi je conseille aussi, mais effectivement, en partant du principe que vous allez en chier à la lecture et qu'il faut soit peut-être attendre que tout soit sorti, soit vraiment se faire, soit les relire quand ils vont sortir. Je comprends pas vraiment comment vous avez eu des soucis en fait. Parce que la lecture est bizarre. Moi, je l'ai pas trouvé difficile. Tu t'habitues quand t'as l'habitude de voir des séries, de trucs comme ça qui font des flashbacks et tout. Mais moi, je me suis passé un peu dans la tête d'une personne qui a pas l'habitude. Et c'est vrai que les allers et retours, ça peut être un peu pas contraignant, mais genre tu peux mélanger, tu peux avoir du mal à comprendre l'action, alors que ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'arrêter à ce type de façon de présenter le récit et de s'accrocher parce que ça vaut le coup. Ouais, c'est plus par comparaison. Là, on parle peut-être à un public qui pense comics, super-héros, et là, effectivement, ils vont être surpris. Parce que moi, ça me dérange pas de continuer, c'est juste que c'est pas forcément le truc le plus accessible pour quelqu'un qui souhaite commencer, je pense. Bah, c'est surtout que si tu cherches juste du divertissement... On va passer à la... Je coupe tout le monde. T'es chiant, hein, aujourd'hui, toi. Je suis désolé. Ouais. On va passer à la deuxième pause musicale, et c'est encore choisi par Faye, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain, c'est son anniversaire. Non, donc, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Facebook. Exactement. Il y a un ululé aussi. Et de l'argent. Et c'est Queen, Don't Stop Me Now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. There's no stopping me. Et c'était Queen, Don't Stop Me Now. J'avais pas vu que c'était retour. C'est quoi, tu l'aurais pas dit, personne l'aurait vu. Ouais. Heureusement qu'il y a la petite lumière rouge. Donc vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Campus Montpellier. Et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Ouais, merci Thomas. Ça, c'est à chaque fois moi, quoi. Ouais, j'ai l'air super content de le faire. Ah ouais, non, mais je sais pas. On va passer au coup de cœur et aux attentes. Au coup de cœur et au coup de cœur. Est-ce que vous les avez préparés? Oui. Non. Mais t'inquiète. D'accord. Mais tu dis oui, on s'en fout. Oui, bah oui. Je dis ça oui, mais je sais même pas de quoi je vais parler. On va commencer par Juni parce qu'elle avait l'air d'avoir un truc. Ouais. Alors, bon, pour le coup, j'espère que vous avez votre anglais de préparer. Oui. Mais ça vaut le coup. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Strip Panel Naked, qui est faite par un gars qui s'appelle Hassan, qui habite en Angleterre. Je sais même pas en quelle ville, faudra que je lui pose la question. Et en fait, il a décidé un jour par hasard de prendre un numéro de Moon Knight et de faire une chaîne YouTube où il allait expliquer comment on fait un comics d'un point de vue ultra technique, en fait, les cadrages, la manière dont l'auteur va réfléchir à comment il va placer ses bulles, son personnage, comment il va placer ses cases, quelles formes elles vont avoir, etc. Et donc à chaque fois il prend un numéro d'une bande dessinée et il décompose un aspect. Donc il en a fait un sur Moon Knight, il en a fait un sur Black Widow, il en a fait un sur Hellboy, et à chaque fois toutes les vidéos, le gars a un cerveau tellement génial, je le dis, qu'il devrait mettre il devrait envoyer son cerveau à la science quand il sera mort, parce qu'il faut l'analyser. Il a un œil extraordinaire. Du coup, je pense que ce serait vraiment intéressant à voir pour tous les gens qui aiment bien lire des bandes dessinées. Il a fait que des artistes aussi que t'aimes, parce que t'as cité que des trucs. Ouais. Non, j'ai cité. Oui, il y a Jordi Belair aussi, donc comme quoi. Non, mais pour le coup, il y a même des artistes que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à lui. Et j'ai pu voir du coup l'intelligence. Et en fait, ça développe même le cerveau, parce que ça force. Une fois qu'on a vu ces vidéos. À regarder. Voilà, on fait pareil en fait. Strip Panel Naked. Ok, bon, on la mettra en lien dans l'article. Ouais, mets un lien. On mettra en lien dans l'article du. Du podcast, Je sais plus, du coup, j'arrive plus à parler. Tu étais en train de parler, donc oui. Je sais. En plus, c'est un coup de cœur que je vais partager avec toi parce que t'as la flemme d'en chercher. J'ai la flemme d'en chercher un et tu m'as hypé dessus, donc. Alors bah moi, j'ai découvert cette semaine une série produite par MTV qui étrangement m'a plu. Elle s'appelle Sweet Vicious et c'est juste trop bien. En fait, le pour vous situer le truc, c'est un mélange entre Veronica Mars et Kick-Ass, en gros. Ouais. Si je pourrais. En fait, l'histoire, c'est une fille qui, en fait, la journée est une étudiante tranquille, voilà, qui est dans des maisons genre Zeta Kappa, machin chose. Et le soir, en fait, c'est une héroïne qui va s'attaquer à des hommes, et pas n'importe quels hommes, c'est des violeurs, en fait. Parce que c'est sur la thématique des viols sur les campus, sur les facs américains, sur le harcèlement même moral qu'on fait subir à certaines étudiantes. Donc j'ai trouvé que c'était intelligent, c'est super bien écrit, on a beaucoup de références à la pop culture, on a vraiment un humour un peu noir. Les héroïnes sont excellentes parce qu'il y a deux héroïnes en fait qui vont travailler ensemble, et vraiment j'adore cette série. Alors elle est en 10 épisodes, elle va finir cette semaine, mais vraiment je vous la conseille parce que c'est un sujet d'actualité qui est féministe, oui je sais, je vous embête avec ça, mais qui est traité de façon intelligente, et ça m'a vachement étonnée pour une série MTV qui en général je trouve assez ouais, non mais c'est bien traité, cul-cul, c'est pas trop bas du front. Il y a une réalisation qui est vraiment intelligente, je trouve. C'est une série que je conseille aussi parce qu'elle est vraiment sympa. Et c'est fait par. C'est drôle, en plus, c'est très drôle. Et ça réussit à être drôle tout en parlant d'un sujet un peu grave. Et montrer des personnages féminins assez badass, puisqu'elle. En fait, c'est une meuf qui s'est fait violer qui va se venger et qui va tabasser tous les violeurs de son voilà, et qui est aidée par une hackeuse. Sweet Vicious chez MTV, allez voir, c'est vraiment très très très sympa. Ouais. Donc voilà, on va passer à Mathieu. Moi j'ai du Star Wars, je suis obligé. Ah. Oui, caution Star Wars. Et bah tiens, on est pour, oui, y a pour plein les gens de qui nous Star écoutent, Wars aussi. Pour les gens qui nous écoutent, le nom du dernier Star Wars a fuité aujourd'hui, et ce sera Star Wars Star Wars 8. Jedi. Voilà, donc on fera une émission de 6 heures dessus, ouais. Avec le titre The Last Jedi. Last, ça veut dire dernier, mais donc dernier dans une fille. On va passer à ton coup de cœur. Oui, donc c'est en comics, bien sûr, j'ai lu le dernier Han Solo. Qui devrait sortir en février en français le mois prochain. C'est vachement bien. Mark Brooks au dessin, c'est juste extraordinaire. C'est même peut-être trop beau parfois. Mark Brooks au dessin, ouais. En intérieur. Ouais, en intérieur. Ça doit être grave stylé. Ouais, c'est assez impressionnant, mais même parfois un peu trop. C'était lui qui était sur le tome 1 aussi. Sur le premier numéro. Oui, c'est lui qui fait tout. Oui. Ok, ouais. Ouais, c'était bien. En plus, je suis content, j'ai eu la chance de le rencontrer à la PCE. Je tenais à le dire quand même. Mais nous aussi, on l'a vu de loin. Moi, je me rappelle que de Monsieur Beat. Monsieur Beat. Beat, c'est Bruce Timm. Hein. Mais voilà, comme tu bon, parles. Laissons finir. Traduire, ouais. Ouais. Laissons finir Mathieu qui parle d'un sujet très important. Oui, quand même, un peu, non. Excuse-moi, Star Wars, quand même. Oui, voilà. Et c'est Marjorie Liu qui dessine, c'est une fille, ça, c'est plutôt cool aussi. Peut-être deux petits regrets sur cette série, c'est qu'elle est trop courte. Il n'y a que 5 numéros et elle part dans des idées vraiment intéressantes qu'elle aurait pu développer un peu, notamment autour de Han Solo. Ça se passe juste après l'épisode 4 et le mec est un petit peu perdu entre sa carrière de contrebandier, ce qu'il veut faire pour la rébellion et pour la passe. Ça se passe en même temps que la série Star Wars du coup de Jason Aaron. Oui, c'est ou même juste avant quoi. Et dernier petit truc, c'est Docteur Aphra enfin, la suite de la série Dark Vader qui est sortie aux États-Unis. C'est toujours Kieron Gillen qui scénarise et c'est vachement bien. Le premier est vachement bien parce que c'est enfin un peu exotique. Et est-ce qu'on change de dessinateur parce que j'en veux un peu plus de la Roca. Bon, t'as trop râlé donc tu n'auras pas le droit de parler de Cooker. Quoi on va conclure sur ça. Quoi juste désolé, on a plus de temps. Je suis déçu. Sachez que vous pouvez nous retrouver. Faut qu'on arrête de parler de Warner. D'ailleurs, vous nous retrouvez la semaine prochaine, toujours le lundi de 18h à 19h. Et la semaine prochaine, on va vous parler du genre super-héroïque au cinéma. Est-ce que le genre super-héroïque au cinéma va mourir? Ce sera une émission thématique. On va essayer d'en parler. Donc, si vous avez des avis sur ça, si vous avez des témoignages à vous faire, tout ça, vous pouvez nous l'envoyer. Donc, contact@comicsdiscovery.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, comme d'habitude. Ils peuvent aussi nous envoyer via les réseaux sociaux. Oui, exactement. Sachez que vous retrouvez cette émission le vendredi matin de 9h à 10h. Et vous pouvez nous retrouver en podcast sur PodCloud, sur iTunes, sur tout ça. Et voilà. Okay. Et merci à tous, merci à toute l'équipe. Et puis à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Allez, bye bye. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings. Just to do your thing, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music, sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. So if you take my you gotta